cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Jeanne d'Arc, c'est l'heure de bouter. Nous voici dans une salle de classe en 1904 avec un tout nouveau manuel d'histoire de France pour le cours élémentaire, celui de Gauthier Deschamps. Exercice de lecture. Jeanne d'Arc, la patronne de la France. L'élève prend sa respiration, il lit. En grandissant, petit enfant, tu apprendras à connaître mieux et tu admireras cet être de bonté, de dévouement et ton cœur se soulèvera d'indignation contre les mauvais juges qui condamnèrent injustement Jeanne d'Arc et contre le roi qui lâchement l'abandonna. Et tu aimeras de toute ton âme, mon enfant, la martyre de la patrie, la patronne de la France, Jeanne d'Arc. L'élève sait-il qu'il vient de lire l'histoire de celle qui, pour d'autres, est une putain, une ribaude. Claude Gauvard, bonjour. Bonjour. Putain, ribaude, ce sont des mots qui apparaissent dès les premières pages de votre Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre. Pourquoi ? Parce que c'est une des injures préférées des Anglais et des Bourguignons, et des Français aussi qui suivaient ces Anglais et ces Bourguignons qui lui auraient été favorables depuis le traité de Troyes de 1420. Donc c'est une injure grave. Beaucoup plus grave sans doute que on a pu le penser, parce que elle diffame totalement celle à qui elle est appliquée, la femme du peuple, comme évidemment la noble à plus forte raison, mais la femme du peuple aussi. Et si on ne répond pas, si quelqu'un ne répond pas par un petit coup de couteau ou par un démenti, le terme est médiéval, par un démenti, La personne, la femme qui a été diffamée, risque de paraître putain, ribaude, aux yeux des autres. C'est essentiel pour comprendre Jeanne d'Arc. Et vous commencez, Claude Gauvard, avec une archive. C'est toujours passionnant dans cette démarche de l'historienne, et presque essentiel de partir de l'archive, une archive de 1461. Que dit-elle ? Eh bien écoutez, c'est une archive que j'ai eu la chance de trouver dans les registres criminels du Parlement de Paris, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, et voilà ce qu'elle dit à peu près. À une personne qui lui disait que Dieu avait fait grande grâce au roi et à son royaume de ce que ses ennemis, les Anglais, étaient ainsi déboutés, pour reprendre l'expression que vous employez tout à l'heure, et que Dieu lui avait fait grande grâce de lui avoir envoyé la pucelle, il aurait répondu qu'il ne convenait point de parler de la pucelle et qu'elle était une putain ribaude. Voilà, tout est dit. D'ailleurs, vous mettez en relation ce vocabulaire utilisé contre Jeanne d'Arc avec un dessin qui est très connu parce que souvent utilisé, fait en marge au moment du procès où nous voyons ce profil de Jeanne d'Arc tenant un étendard. C'est vrai que c'est souvent utilisé parce que nous n'avons pas de représentation au plus proche de Jeanne d'Arc sinon celle-là. Vous en faites une lecture, Claude Gauvard, et qui est passionnante d'ailleurs. Alors j'en fais une lecture que j'espère juste, parce que moi j'ai aussi enseigné à partir de ce dessin, normalement, comme l'avait fait Régine Pernoud, qui a publié une des premières petites biographies très intéressantes à l'époque dans les années 50, chez Gallimard aussi d'ailleurs, dans la collection Le Temps qui court, et qui faisait autorité. Et qu'est-ce qu'elle avait sur la page de couverture ? Elle avait mis ce dessin, qui était l'icône de Jeanne d'Arc, parce que comme vous venez de le dire, on n'a pas de portrait, et c'était... Ce portrait griffonné par le greffier Clément de Fouquemberg dans l'un des registres du civil au Parlement de Paris date effectivement du 10 mai 1429, deux jours après la prise d'Orléans. Notre ami Clément de Fouquemberg avait prêté serment au gouvernement pro-anglais. Donc il était un officier de grande qualité, très grande qualité, modéré, mais il était quand même pro-bourguignon, et pro-anglais, et favorable au traité de Troyes. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a griffonné ce portrait en même temps qu'il a raconté la défaite qui avait été criée par cri public sur l'ordre du duc de Bedford qui commandait Paris à l'époque. Et donc, en le regardant, à partir de ces injures, je me suis dit, mais tu n'as pas vu que c'était une putain. Elle est cheveux au vent, comme Marie-Madeleine, le décolleté assez provoquant, les seins en avant bien trop fort pour une pucelle, même si, comme le disait le duc d'Alençon, ils étaient fort beaux. Hein. Et il y a là, si vous voulez, toute une attitude qui montre qu'il a dessiné une putain ribaude. Et j'ajouterais même qu'il a non seulement fait cela, mais il a mis un étendard dans ses mains, ce qui, à ses yeux, est horrible, parce que ça veut dire qu'elle est en capitaine. Que pouvait-elle être d'autre, à ses yeux, à lui, qu'une fille commune qui suivait les armées? C'est comme ça, et c'est pour ça qu'on l'appelle putain. Une fille commune, une fille, une femme amoureuse, comme disent les textes de l'époque, qui peuplait hein, les armées du roi comme les armées des Anglais d'ailleurs. Hein. Ça ne pouvait pas être autre chose, et quand on regarde l'étendard, les deux, la double queue, c'est une queue de dragon aussi, en plus. Oui, par là, tout est dans le dessin, il faut juste l'interprétation, savoir le lire. Très difficile hein, ça, de saisir un petit peu comment les contemporains ont pu réfléchir à Jeanne d'Arc. Surtout que avec Jeanne d'Arc, nous avons un personnage étonnant. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Xavier Hélary, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Lyon 3 et vous êtes le co-auteur de Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire avec Philippe Contamine, Olivier Bouzy. Et vous avez aussi dirigé cet ouvrage Jeanne d'Arc, histoire et mythe. Mais avec Jeanne d'Arc, nous avons des sources, mais presque inimaginables, sur un personnage du XVe siècle. Les sources sont nombreuses et en écho à ce que vient de nous dire Claude Gauvard, ces sources sont très dures à interpréter. Elles sont très dures à interpréter, mais en même temps, vous avez raison d'insister sur leur masse, qui est tout à fait stupéfiante. C'est le personnage pour le Moyen-Âge sur lequel on a le plus d'informations, beaucoup plus que sur les rois ou sur les papes. Et l'autre caractéristique de ces sources, c'est que elles ont été rassemblées par le travail des historiens depuis très longtemps, et notamment dès les années 1840, par Jules Quichera, qui a reçu la mission de la part de la Société de l'Histoire de France de publier l'ensemble des sources relatives à Jeanne d'Arc, au premier chef les procès, mais également les chroniques, les lettres, les extraits de contes. Et encore aujourd'hui, je pense que Mme Gauvard le confirmera, nous appuyons encore sur le travail de Quichera, qui a ensuite été complété, amendé. Il y a eu de nouvelles éditions des procès, il y a eu des traductions, puisque les procès sont en latin. Mais malgré tout, nous sommes encore tributaires du travail de Quichera. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de Jeanne d'Arc, mais la constitution du dossier de source en est le premier témoin, en quelque sorte. Et puis avec Jeanne d'Arc, nous touchons à quelque chose qui est très particulier. C'est sans doute cette question, et le mot revient sans cesse, hein, le mystère. Évocation de ce mystère Jeanne d'Arc par Philippe Contamine. On a du mal à la réduire, si vous voulez. Donc il y a à la fois la volonté des historiens de dire, bien, c'est une fille de son temps. Et en même temps, il y a quelque chose de mystérieux. Donc je n'hésite pas à parler du mystère Jeanne d'Arc. Je ne suis pas le premier à en faire mention, n'est-ce pas? Bon, Peggy et d'autres en ont parlé. Je m'inscris dans une longue lignée, modestement, mais je crois que c'est un peu là la difficulté de l'historien. À la fois, c'est un personnage du XVe siècle et c'est un personnage hors échelle. C'est une des dernières interventions de Philippe Contamine sur la chaîne de télévision KTO. C'était en janvier 2022. Claude Gauvard, émotion d'entendre Philippe Contamine, hein, parce que nous savons tout ce que nous lui devons pour l'histoire médiévale et ce regard, ce mystère qui entoure Jeanne d'Arc. Oui, tout à fait. Et moi, je terminais toujours mes cours sur Jeanne d'Arc en disant, voilà, je vous ai expliqué un certain nombre de choses. Et puis, il y a un moment où l'historien doit se taire. Et quand j'ai travaillé pour ce livre, j'ai relu les procès, et évidemment le procès de condamnation. Et vous savez, elle vous entraîne. Parce qu'il y a un mot clé dans ses propos, me semble-t-il, c'est hardiment. Allons-y, hardiment. Autrement dit, elle n'a peur de rien. Quelle force a cette jeune fille qui a quand même 18 ans hein, à l'époque, et qui lui permet de résister aussi. Alors elle dit bien que ce sont ses voix qui lui disent d'aller hardiment. Mais le résultat est là. Elle a, pendant la très courte carrière, 15 mois à peu près, hein, voilà, elle a donné confiance. Et c'est ça le message, me semble-t-il. Ce fameux signe sur lequel les juges et les conseillers des juges ont tant glosé, hein, en posant tant de questions, c'est ça le signe qu'elle a donné au roi, c'est-à-dire lui a donné confiance comme prophétesse, parce qu'il avait besoin, effectivement, d'avoir la voix de Dieu pour lui. Mais vous aussi, Claude Gauvard, c'est hardiment que vous avez appréhendé Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre, avec un jeu sur le temps, la temporalité, qui est la clé du travail des historiens et des historiennes, où vous vous amusez sur ce temps très long du mythe qui dure encore aujourd'hui, ce temps beaucoup plus court de la carrière de Jeanne d'Arc, hein, vous le rappelez, c'est quand même 2 ans et 3 mois, et encore, on peut même réduire. Et puis, le temps très court du moment de l'exécution, le bûcher par exemple, où vous consacrez des pages. Mais, j'ai envie de dire, c'est mieux qu'une biographie, parce que comme vous mettez en perspective, c'est l'esprit du temps qui est saisi autour de l'idée même d'une exécution. Qu'est-ce qu'une exécution ? Alors oui, bien sûr, bon, je suis, comme vous le savez, très orientée vers l'histoire de la justice, donc ce qui m'a intéressée, c'est l'idée du bûcher. Alors, on sait que les hérétiques et les sorciers sont condamnés au bûcher, que les femmes, même pour des crimes comme l'infanticide par exemple, sont condamnées au bûcher. Mais les Anglais avaient d'autres moyens possibles. Il pouvait très bien la condamner comme rebelle, stricto sensu, et la faire décapiter sur la place du marché. Hein, la décapitation étant, contrairement à ce qu'on pense à cette époque précise, c'est moins vrai à l'époque moderne, mais à cette époque précise, n'est pas réservée aux nobles. Elle est réservée aux crimes politiques. Or, qu'est-ce qu'elle a commis ? Elle a commis, vis-à-vis d'eux, les Anglais, un crime politique de rébellion. Donc, ils auraient pu... Pourquoi ont-ils choisi le bûcher ? Voilà la question qui m'a taraudée. Et c'est pour ça que je commence par le supplice. Pour bien montrer qu'ils avaient intérêt à ce qu'elle soit brûlée. Alors pourquoi avaient-ils intérêt à ce qu'elle soit brûlée ? Car ils ont joué un coup de poker en confiant à Pierre Cochon, finalement, le procès, qui est un procès d'église et d'inquisition. Mais Pierre Cochon leur était fidèle, bien sûr, mais la fidélité est aussi quelque chose qui peut être malléable et fragile. Donc, il fallait le tenir. C'était beaucoup plus compliqué que de l'exécuter eux-mêmes. Et du coup, c'est ce transfert, si vous voulez, qui m'a semblé intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, après, bien sûr, ils mettent la main sur le procès en sous-main. Jamais ils n'interviennent directement, mais ils écartent par exemple tous les conseillers qui pourraient être un peu favorables à Jeanne. Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, qui a fait rire des générations d'écoliers, évidemment au moment de parler de Jeanne d'Arc, et le moment de l'exécution à Rouen, le 30 mai 1431, qui a été là aussi sans cesse fantasmé. Et vous l'écrivez très bien, Claude Gauvard, comment il y a ce moment vu différemment par les uns, par les autres, et ensuite, et c'est ça qui nous intéresse aussi, comment il y a une lecture constante du mythe de Jeanne d'Arc, ou en tout cas de Jeanne d'Arc, Xavier Hélary. Si nous nous situons en 1431, il y a déjà plusieurs Jeanne d'Arc selon où nous nous trouvons. Ah oui, bien sûr, puisque du côté de Charles VII, finalement, elle a été très utile au printemps 1429, mais ça n'a pas été facile, et même pour convaincre Charles VII, qui était assez méfiant, pour convaincre les conseillers de Charles VII, qui étaient encore plus méfiants, ça a déjà été difficile. On a vérifié la virginité de Jeanne, physiquement, corporellement, on l'a interrogée à Poitiers, et ensuite, avec un peu de réticence, et on parlait de coup de poker, Mme Gauvard parlait d'un coup de poker pour le procès, mais au printemps 1429, c'est déjà un coup de poker du côté de Charles VII. Et en face, on a donc les Anglais et leurs partisans, bourguignons ou français rognés, comme on les appelle du côté de Charles VII, eh bien, ont vu en elle une putain, une ribaude, une sorcière aussi, qui n'avait pas du tout sa place à cet endroit-là. Et en définitive, cette mémoire un petit peu, enfin cette vision brouillée qu'on a de Jeanne d'Arc dans les années 1429-1431, finalement, elle s'est plutôt apaisée par la suite, puisque en définitive, le charisme de Jeanne d'Arc l'a un peu emporté. Et puis, il y a cette chronologie autour de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, 15e siècle, au 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, que représente-t-elle? Est-elle une référence encore, Xavier Hilary? Oui, alors elle est une référence, en moins qu'elle le sera ensuite au 19e siècle, mais elle reste quand même présente dans les mémoires. D'abord localement, à Orléans, puisque les fêtes de la levée du siège sont toujours célébrées de façon continue depuis 1430 jusqu'à aujourd'hui. Un petit peu aussi à Domremy, où son souvenir n'est pas oublié, où il y a des membres de sa famille qui continuent à vivre et à revendiquer d'ailleurs les privilèges qui étaient attachés à Jeanne depuis Charles VII, depuis le décembre 1430. Et puis, finalement, dans l'entourage des rois, dans l'historiographie qui se construit au XVIe, XVIIe siècle, Jeanne d'Arc est toujours présente. C'est toujours une figure qui est assez familière. Et Philippe Contamine était très attaché à montrer la continuité de ce souvenir entre le XVe et le XIXe siècle. Ce n'est pas le XIXe siècle qui a inventé de toute pièce Jeanne d'Arc, mais son souvenir s'est maintenu. Pensons aux deux pucelles. Il y a celle de Chapelain qui est un petit peu à la fin du XVIIe siècle un peu convenue. Celle de Voltaire qui est un peu libertine et qui. Mais pourquoi Voltaire s'est-il attaché au personnage de Jeanne d'Arc? Pour s'en moquer, mais parce que c'était un personnage qui était familier déjà et ça parlait à ses contemporains. Claude Gauvard, vraiment, on ne peut pas quitter Jeanne d'Arc sur le temps très très long, elle est toujours présente. Elle est toujours présente et ce qui est très intéressant à étudier, c'est que dès pratiquement son arrivée, on a dit d'elle qu'elle était une bergère. Et que les Armagnacs, donc c'est les gens favorables à Charles VII, racontaient que les petits oiseaux venaient manger dans sa main, quasiment comme François d'Assise. Et c'est cette image de la bergère qui a été vulgarisée, à titre de propagande bien évidemment, à l'époque, en faveur de Charles VII, dans les années, dès 1429-1430, et qui a continué à circuler. Ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup parce que, au bout du compte, c'est un mythe populaire. C'est un mythe populaire qui rejoint la géographie et qui a certainement une des raisons du caractère pérenne du personnage. Oui. Vous voyez? Et puis, à cette circulation, vous avez évoqué, Claude Gauvard, la géographie. Oui. Évidemment, faire l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est faire de la géographie avec Domrémy. Et là aussi, quand je disais que l'étude avec de la perspective donne tout de suite un résultat pertinent, c'est que Domrémy, nous le voyons très bien, alors le petit village, etc. Mais vous réfléchissez à cette notion de frontière. Et là, ça devient très important parce que nous saisissons que Jeanne est née dans un espace de frontière. Tout à fait. J'en ai fait une fille de la frontière, mais ça fait longtemps, si vous voulez, parce que en travaillant toujours dans les archives du Parlement, donc ça, il y a très très longtemps, quand j'étais encore toute petite, si j'ose dire, j'avais trouvé effectivement autour de Neufchâteau des procès où il y avait, alors là, c'était contre le duc de Lorraine, entre les Français et les Lorrains, des escarmouches, et on attaquait les panonceaux fleurdelysés qui étaient sur les forteresses de la frontière, on les arrachait, on les brûlait et on se gaussait de Charles VI, roi fou, en disant « il est fol le roi ». Voyez. Donc il y avait dans cette région une tradition favorable au roi de France, d'une part, ou au contraire, favorable au duc de Lorraine, lequel à l'époque de Jeanne, s'était rallié aux Bourguignons. Et avec une grande connaissance de la géopolitique, pour utiliser un anachronisme. Alors, j'attire votre attention sur le nationalisme, entre guillemets, parce que pour l'époque médiévale, il faut être très très prudent, des frontières. Et c'est un nationalisme qui va de Jeanne d'Arc à De Gaulle, quand même. Oui, c'est ça, c'est cette continuité qui nous intéresse aujourd'hui autour de Jeanne d'Arc. Jeanne. Qui m'appelle? France Culture. Qui est-ce qui m'appelle? Le cours de l'histoire. Qui est-ce qui a dit? Jeanne. Xavier Mauduit. Ah mais c'est Claude Gauvard et Xavier Hilary qui appellent Jeanne. En fait, c'est un extrait de Jeanne au bûcher de Paul Claudel dans les années 1930. Avec ce moment majeur bien souvent celui auquel nous réduisons le mythe de Jeanne d'Arc, le 19e siècle, Xavier Larry Michelet qui en fait une héroïne laïque. Alors vous nous avez bien dit, non, déjà il faut saisir Jeanne depuis le 15e siècle. Bon, déjà c'est important, mais que se passe-t-il au 19e siècle? Alors au 19e siècle, c'est sûrement l'héritage de l'Ancien Régime avec Clément de Laverdie et ce genre d'individus qui ont quand même travaillé déjà sur les procès avant la Révolution. Et ça, il faut le noter, il y a cette continuité. Et au 19e siècle, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être 1815 et la défaite de Napoléon. Et la défaite de Napoléon, l'occupation d'une partie de la France. Pas oublier qu'en 1818, la maison de Dormy est achetée par Louis XVIII, enfin par le Conseil général des Vosges, avec une subvention de Louis XVIII pour qu'elle n'aille pas à un étranger, à un Prussien. Et puis, dans les années 1840, la Société d'Histoire de France apprend qu'un Allemand, Guido Görres, est en train de préparer la publication des procès. Et on dit non, il faut que ce soit un Français qui le fasse, et c'est Jules Quicherin, qui était pas du tout spécialiste de cette question-là, qui est un grand historien, mais qui va devenir ensuite un grand historien, mais qui n'était pas spécialiste de ça, qui va se charger de cette tâche, pardon, dans les années 1840. Donc il y a une idée à la fois, sans doute, que la nation prend une nouvelle importance avec la Révolution, que cette nation est amoindrie par la défaite de Napoléon et que Jeanne d'Arc finalement apparaît comme une figure qui peut cristalliser ce sentiment national renouvelé par la Révolution. Et puis, c'est vrai que Michelet apparaît dans cette histoire. Qui est Jeanne d'Arc pour Michelet, Claude Gauvard? Est-ce que c'est une toute nouvelle Jeanne d'Arc ou bien reprend-il des éléments qui étaient déjà là? Il y a deux choses pour chez Michelet, je pense. C'est l'amour du peuple et son anticléricalisme. Voilà. Alors, il y a, pour lui, l'Église a tué Jeanne d'Arc. Commençons par le deuxième aspect. Le terme anticléricalisme n'est peut-être pas très juste, mais il est quand même, il fait parler, quoi. Voilà. Il critique l'Église. L'Inquisition, c'est une horreur pour lui. Hein. Les ordres mendiants, une horreur. Hein. Et par conséquent, il y a tout cet aspect chez Michelet qui consiste à critiquer la façon musclée avec laquelle l'Église a pu réagir face aux hérésies. Il avait à la fois raison et tort dans les cas de Jeanne d'Arc, puisqu'elle n'a pas été torturée, hein, et que la torture a été demandée, mais que... Alors là, Philippe Contamine dit il y en a deux, moi je dis il y en a trois, parce qu'il y en a un qui n'était pas présent, mais qui a quand même voté contre. Donc je préfère dire qu'il y en avait trois sur les 13 conseillers qui étaient favorables, donc pas l'unanimité. Hein. Donc il n'y a pas eu torture, et Pierre Cochon n'a donc pas décidé la torture, et le maire, l'inquisiteur encore moins. Donc il faut rendre à Michelet ce qui est à Michelet, c'est-à-dire une exagération, hein, là quand même, de la situation de l'action de l'Église. Le deuxième aspect, c'est qu'il en a fait une fille du peuple, pauvre, on va dire très malheureuse, gardant ses brebis, etc. Ce qui est complètement faux. C'est une fille du peuple, oui, mais pas du petit peuple, pas totalement du petit peuple. Elle est la fille d'un laboureur aisé, hein, qui d'ailleurs a des responsabilités dans son village et qui peut discuter justement avec les nobles pour amaudier les prélèvements qu'il peut faire sur le peuple. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui est archi pauvre. Il y a une maison et une maison en pierre. Donc ça n'est pas rien. Ouais, mais c'est pas religieux. C'est chez Michelet, il n'y a pas cette femme complètement prise par ses voix, qui a une mission. C'est pas ça pour Michelet. Ah non, pas du tout. À la limite, les révélations, il s'en serait presque passé. Hein, voilà. On peut attendre quel moment Xavier et Larry pour alors là que Jeanne devienne une sainte. Alors une sainte au sens technique, il faut attendre 1920, et puisque c'est simplement en 1920 que le long procès en canonisation s'est interrompu. L'Église n'était pas très, le Saint-Siège n'était pas très favorable à cette canonisation, puisque Jeanne d'Arc avait été condamnée par un tribunal qui était réuni dans les formes régulières, présidé par un évêque avec un représentant de l'Inquisition. Les formes avaient été respectées, donc la sentence avait été annulée, mais de là à canoniser Jeanne d'Arc, c'était un pas, et c'est la demande a été introduite en 1867. En 1894, Jeanne d'Arc a été déclarée vénérable, en 1909, bienheureuse. Et en 1920, laborieusement, et parce que la guerre s'était terminée, il fallait un peu une sorte de consolation pour la France, la canonisation a été prononcée. Et Jeanne d'Arc, dans la foulée, a été considérée, a été proclamée par le Saint-Siège comme patronne secondaire de la France après la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, Michelet propose une Jeanne d'Arc héroïne laïque, un peu, pour le dire simplement. L'Église récupère en fait Jeanne d'Arc en disant non, attention, elle est à nous, quoi. Il y a un véritable combat, parce que c'est au fond, tout le monde pouvait la réclamer, et on communie en quelque sorte, dans le sens banal du terme, dans le culte de Jeanne d'Arc. Et finalement, c'est quand même plutôt la droite qui va l'emporter. D'une part, la droite nationaliste, et autour de Barrès, par exemple, ou de Déroulède, et puis aussi l'Église. Et c'est pas exactement la même chose, finalement. C'est ces deux courants un petit peu distincts. Mais la gauche continue d'en réclamer le patronage. Oui, c'est ça, dans la suite de Michelet. Mais dites donc, oui. Claude Gauvard, ça a mis du temps. Parce que dans les années 1860, on propose qu'elle devienne sainte, et ça n'aboutit qu'en 1920. C'était pas évident. Absolument. Mais la gauche, avec Jaurès, par exemple, a revendiqué aussi Jeanne d'Arc, avec cette atténuation un peu sur les révélations, bien entendu. Mais elle était une héroïne aussi pour, c'est Jaurès et Péguy, qui sont des contemporains, qui ont donné, qui au départ étaient d'accord, et puis ensuite Péguy, en ayant fait, une version plus nationaliste, à droite, peut-être. Et là, je pense que la guerre de 14 a été très importante, je crois, pour focaliser l'attention sur Jeanne d'Arc. Et l'Église avait du mal, parce que quel miracle a-t-elle fait? Voilà une grande question. Elle a ressuscité un enfant mort-né à Lagny. Mais ça, c'est d'une banalité extrême. Les juges le lui reprochent, mais ils ont tort, là, pour le coup, parce que c'est totalement banal. Il y a même, à l'époque, des sanctuaires à répit, dans les églises, ou à côté des églises, pour que ce type de miracle ait lieu. Il s'agit tout simplement de prier autour d'un enfant mort-né, qui par conséquent ne peut pas aller au paradis, puisqu'il n'a pas été baptisé, pour qu'il puisse reprendre vie un instant, et être effectivement baptisé pour ne pas connaître le sort des limbes. Donc on a là quelque chose de, j'allais dire, courant, qui a été très bien étudié pour le Dauphiné par Pierrette Paravis. On, les historiens ne sont absolument pas étonnés. Et les juges n'auraient pas dû l'être, vraiment. Voilà. Ah ouais, donc c'est pas facile d'en faire une sotte, en fait. Il n'y a même pas de miracle évident, Xavier Larry. Oui, alors parce que la grande question, le grand mystère quand même de Jeanne d'Arc, c'est quand même les voix. Et si on revient à ce qu'on sait des voix, on voit que ça a quand même gêné, y compris les partisans de Charles VII, parce qu'au printemps 1429, il y a quand même toute une propagande qui se développe, encouragée par le gouvernement de Charles VII, autour de Jeanne d'Arc. On dit qu'elle est envoyée de Dieu, mais ça aussi, c'est banal. Et en revanche, on ne parle pas des voix. Et les voix n'apparaissent que au cours du procès de 1431. D'abord, une voix, et Mme Gauvard remet tout ça très bien en contexte dans son livre. D'abord, une voix, puis Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite. Et ça a gêné les partisans de Charles VII, puisqu'il y a un deuxième procès en 1456 qui vise à l'annulation de la sentence de 1431, et même là, pourtant un procès mené par les partisans de Charles VII, on n'insiste pas sur les voix. On trouve que, bon, voilà, on ne veut pas s'apesantir trop sur les voix. Et ces voix ont gêné même l'Église au XIXe siècle. Ça n'allait pas de soi. Ouais, ça n'allait pas de soi. Bien sûr, parce que si on lit bien le procès, on s'aperçoit que jour après jour, dans une perspective de l'aveu, si vous voulez, sur lequel j'ai quand même un tout petit peu travaillé par ailleurs. C'est mystérieux, l'aveu. C'est mystérieux. Il y a quelque chose qui fait que... C'est pour ça qu'il faut beaucoup se méfier des aveux quand on les juge. Le procès de Dils est là pour le prouver. On peut condamner un innocent à partir des aveux. Parce qu'il a avoué. Parce qu'il y a une sorte de besoin d'avouer. Et là, on le sent très bien dans ce procès. D'abord, comme vient de le dire Xavier, la voix, c'est d'abord une lumière. Ça n'étonne personne, parce que toutes les allégories dans la littérature médiévale arrivent avec la lumière. Hein, si vous lisez Christine de Pizan, c'est tout le temps comme ça. Bon, donc pas de problème. Et puis, elle leur donne un nom. Elle leur donne... Déjà, elle commence à avancer. Puis elle dit toujours, non, je vous n'en saurai pas plus. Et puis, à nouveau les questions, pressées, les jours suivants. Elles prennent une forme, une couronne étincelante, des habits. Alors, au départ, quand on lui dit, mais quels habits avait Saint-Michel, elle répond cette réponse fabuleuse, parce que vous pensez sans doute que Dieu n'avait pas les moyens de lui payer un vêtement. Enfin, il le dit pas comme ça. Vous pensez qu'il l'a laissé nu. Bon, donc elle a escamoté la réponse. Et puis le lendemain, il est habillé. Les saintes sont habillées. Elles ont des couronnes qui sont de plus en plus belles. Et elle les a, ce qui est très grave, touchées, senties. Elles sentent bon. Et là, à partir de là, elle est perdue. Parce que ça, c'est de l'hérésie. Ouais. C'est de l'hérésie. Donc, elle est perdue. De toute façon, effectivement, les juges du procès en nullité, en 1456, sont très gênés sur le problème des voix. Parce qu'elles ont une forme humaine dans le procès en condamnation. Jeanne, face à ses juges. Ouais. Puisqu'il en est ainsi, puisque l'accusé a son âme à ce point endurcie et corrompue qu'elle se refuse même à subir le remède, je requiers que le juge la déclare hérétique sur le champ et tout de suite l'abandonne aux bras séculiers, et qu'on la brûle et qu'elle s'en aille en enfer. Oui, en enfer. C'est Christophe. C'est un Christophe dans le film de Bruno Dumont, Jeanne. Ce film magnifique. Nous entendons Christophe dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert, le mythe de Jeanne d'Arc. Il est question d'éternité dans la chanson avec Christophe, Xavier et Larry. Là, le mythe, je sais pas s'il est éternel, mais en tout cas, nous sentons qu'il est très présent. Vous nous avez dit qu'en 1920, Jeanne est enfin canonisée. Elle est sainte. Mais il n'y a pas, après la Première Guerre mondiale, que cette sanctification de Jeanne d'Arc. Il y a un autre mouvement plus lié à la nation, quelque chose de patriotique. Oui, puisque en fait, l'image de Jeanne d'Arc était une image très guerrière avant la Première Guerre mondiale. C'est comme toutes les statues qui hérissent les frontières de l'Est en Lorraine vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, cette image très guerrière va être transformée, y compris chez les gens comme Maurice Barrès, par exemple, qui dit même que Jeanne d'Arc préfigure la société des nations. Alors même qu'auparavant, y compris chez Barrès, qui a été, comme disait Romain Rolland, hein, le rossignol du carnage, Maurice Barrès va proposer en 1920, après avoir fait un essai en 1914, qu'il y ait une fête nationale. Une fête nationale qui est toujours en usage aujourd'hui, même si elle n'est plus beaucoup célébrée. Une fête nationale qui vient marquer du point de vue de la République le souvenir de Jeanne d'Arc et la célébration de Jeanne d'Arc, et qui est donc le deuxième dimanche du mois de mai. Et donc finalement, la canonisation et la proclamation de la fête nationale par la République indique une convergence des mémoires, qui est aussi une convergence politique, puisque les cérémonies de la canonisation permettent la réconciliation entre le gouvernement de la Troisième République et le Saint-Siège, alors que les relations avaient été interrompues à la suite de la proclamation de la loi de séparation des Églises et de l'État. Et donc on arrive là avec une nouvelle image de Jeanne d'Arc, une image en un sens beaucoup plus consensuel, puisqu'il y a moins on essaie moins de la revendiquer, et qui aussi une image qui du coup devenant très officielle, elle s'affadit un petit peu. Et on voit que la dévotion à l'égard de Jeanne d'Arc, que ce soit le pèlerinage ou le dépôt des gerbes, etc., ça disparaît quand même un petit peu dans les années 20 et 30. Et puis après, il y a toute cette évolution que nous connaissons de Jeanne d'Arc qui est sans cesse utilisée. Est-ce que ces deux mouvements continuent entre une récupération très nationaliste, voire parfois liée à l'extrême, et puis Jeanne comme patronne de la France, une figure un peu pacifiée? Claude Gauvard, c'est difficile au moment d'appréhender Jeanne d'Arc de faire la part des choses. Oui, parce que il y a eu un temps où au pied de la statue de la pyramide, de la place de la pyramide à Paris, il y avait une couronne de la droite et puis une couronne de la gauche, on va dire. Voilà, grosso modo. Hein, c'était très symbolique. C'est terminé, ça. C'est terminé. Et ce qui me gêne, moi, et c'est un peu pour ça que j'ai voulu montrer, écrire ce livre aussi, ce qui me gêne, c'est que, quelque part, il y a une grande partie des Français qui n'a pas envie de parler de Jeanne d'Arc. Aussi bien d'ailleurs peut-être des gens que je qualifierais du centre, et puis des gens de gauche, voilà. Et que du coup, on laisse ce personnage aux extrêmes, enfin à l'extrême droite, on va dire les choses très clairement, hein, alors que c'est un personnage qui est beaucoup plus intéressant et nuancé. Alors, d'ici en faire effectivement l'apôtre de la Société des Nations, c'est peut-être un petit peu osé, mais elle est hostile aux Anglais. Il faut bien comprendre cela. Elle est hostile aux Anglais, mais elle ne cherche pas à les tuer à l'extrême, même si effectivement elle a bien été obligée de le faire, et elle le dit, c'est la guerre. Et c'est une guerre juste. Importante notion, hein, à l'époque. Et encore de nos jours, d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste, hein? Et mais elle ne veut pas tuer les Bourguignons, par exemple. Elle fait très la grande différence entre les Bourguignons et les Anglais. Oui, parce que les Bourguignons, les Bourguignons de France, sont des Français. Ils n'ont qu'à pas être du côté des Anglais. D'où pousser les Anglais hors de France, voilà. Et non pas les Bourguignons. Voilà, mais en même temps, on peut tuer les Bourguignons parce qu'ils sont favorables aux Anglais. Mais elle fait bien la différence. Donc, je crois qu'il faudrait... Il ne faut pas voir en Jeanne d'Arc, si vous voulez, ce personnage, d'un nationalisme extrême. Elle est beaucoup plus nuancée que cela, même si elle sait parfaitement où elle va et ce qu'il faut faire sur une guerre juste. Cette notion de guerre juste... Je pense qu'on aurait beaucoup à y réfléchir actuellement, justement. Oui, pour l'actualité, vous avez raison, Claude Gauvard. Et puis, il y a ce paradoxe où Jeanne d'Arc devient la figure de l'extrême droite alors qu'elle ne l'est pas à l'origine, où elle pourrait l'être et l'être de d'autres courants politiques. Et dans le même temps, Jeanne d'Arc est une figure populaire au cinéma. Écoutez, Sandrine Bonner, puis Régine Pernoud. Donc à la fois elle est complètement normale et puis en même temps elle a cette grâce que je pense aucune comédienne peut atteindre. J'ai l'impression qu'elle avait une foi, une beauté, une pureté. Hein. On ne connaît pas son vrai visage. Et quand vous avez vu Sandrine Bonner, quelle réaction vous avez eue? J'ai été enchantée de voir que Jeanne avait un visage aussi ouvert, aussi droit, aussi sympathique et aussi jeune que celui de Sandrine. Est-ce que vous l'imaginiez comme ça, quand vous parliez d'elle, quand vous... Non, je dois dire que non. Mais je n'imagine pas vraiment Jeanne. C'est dur d'imaginer Jeanne, hein. Donc Régine Pernoud qui s'exprimait en 1994, au moment de la sortie du film de Jacques Rivette, Jeanne la Pucelle. C'est dur d'imaginer Jeanne, Claude Gauvard, vous l'imaginez vous ? Écoutez, j'ai essayé moi aussi. Hein. Quand on lit les témoignages du procès en nullité, on a quand même quelques idées. Et puis surtout quand on écoute, quand on lit le procès aussi de condamnation, en ayant toujours à l'esprit que c'est pas la voix vive de Jeanne. C'est filtré, complètement filtré, bien évidemment. Mais dans ses réponses, elle a cette hardiesse dont je parlais tout à l'heure. Un toupet formidable. Alors d'ailleurs, les conseillers ont pris ça pour de l'orgueil, qui est un péché terrible, de façon générale, mais aussi et surtout pour un homme de guerre. Hein, Philippe Contamine a écrit des lignes là-dessus qui vous montrent que finalement l'orgueil c'est un des premiers péchés du combattant qui ne doit pas être orgueilleux sous peine effectivement, alors pour le coup, de mourir au combat sans être absous. Donc il y a là une personne que je ne peux pas imaginer autrement que on le disait grande, belle, avec tous les traits de la jeunesse. Alors on l'imagine avec évidemment les cheveux coupés courts au départ, sans doute pour éviter les poux. Moi je suis très prosaïque, hein. Voilà, hein, sous le casque. Hein, c'est pas une l'écuelle, c'est pas volontaire, c'est pas. Et ses cheveux avaient dû repousser, hein, je pense, quand elle était en prison, puisqu'elle a quand même été emprisonnée 5 mois au fer. Hein, faut quand même pas l'oublier. Ça c'est très important aussi à noter, hein, parce qu'on n'avoue pas n'importe quoi. On peut avouer n'importe quoi quand justement on a été enfermé pendant 5 mois. Donc on a une. Moi je l'imagine belle. Voilà, je peux pas dire autrement. Et vous parliez tout à l'heure de mystère. Quelque part, ça fait partie du halo. Oui. Ouais, ça fait partie de ce mystère, Xavier Hellary, quand vous écrivez Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire, ou alors Jeanne d'Arc, histoire et mythe. C'est vrai que ce personnage est insaisissable, mais c'est en cela que Jeanne d'Arc est intéressant, parce que les mythes s'alimentent eux-mêmes sans cesse, et nous voyons des voix très divergentes. Jeanne d'Arc, c'est un sujet de discussion à n'en plus finir, et c'est magique en cela. Oui, c'est ce qui est extraordinaire dans les dernières années, parce que dans le mouvement qui a fait que à partir des années 20, disons, le Jeanne d'Arc a un petit peu moins intéressé à la fois le public et puis aussi les historiens professionnels eux-mêmes. Et pendant toutes les années 50, 60, 70, on a un petit peu délaissé Jeanne d'Arc. On a entendu la voix de Régine Pernoud, qui était une chartiste, mais qui n'était pas dans l'université. Et c'est elle qui a maintenu, en quelque sorte, le souvenir de Jeanne d'Arc. Et puis, à partir des années 80, 90, et je dirais dans les 20 dernières années, on a eu plusieurs grands livres sur Jeanne d'Arc à initiative d'historiens et d'historiennes qui au départ ne partaient pas de Jeanne d'Arc. Hein. Madame Gauvard était spécialiste de la justice et de beaucoup d'autres choses, mais enfin, elle n'est pas. On en a discuté tout à l'heure avant l'émission. Vous n'aviez jamais écrit sur Jeanne d'Arc et Philippe Contamine avait fait sa thèse sur les armées et il disait lui-même dans ma thèse soutenue en 68. Pas une ligne sur Jeanne d'Arc, hein, 500 pages de thèse, pas une ligne sur les armées de Jeanne d'Arc. Et donc, pareil pour Colette Beaune, Naissance de la Nation France, 10 chapitres, pas un sur Jeanne d'Arc. Et paf, en 2003, ce grand livre sur Jeanne d'Arc. Même chose chez Valérie Toureille, qui part des écorcheurs, et puis qui publie un Jeanne d'Arc, ou chez Franck Collard. Et donc, chacun vient en quelque sorte à Jeanne d'Arc par sa propre voix et avec son propre bagage. Et tous ces livres, on pourrait dire, on pourrait craindre la saturation, mais pas du tout, puisque chaque livre, et celui de Madame Gauvard que j'ai lu d'une traite dimanche, le montre encore, chacun de ces livres est différent et apporte quelque chose. Claude Gauvard, vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université Paris, hein, Panthéon-Sorbonne, et pour faire écho exactement à ce que vient de dire Xavier Hellary, mais pourquoi écrire sur Jeanne d'Arc? On se dit, mais tiens, c'est étonnant, se saisir d'un personnage face à toutes ces publications et offrir quelque chose de nouveau. C'est surtout ça qui est beau. Oui, c'est vrai que j'avais depuis très longtemps très envie d'écrire sur Jeanne d'Arc, mais je pense que c'est un personnage si difficile que, arrivé à la fin de ma carrière, j'ai pu tirer les fils. Je n'aurais pas écrit ce livre de cette façon il y a même 20 ans. Il fallait que les choses mûrissent en moi et que je puisse faire le lien entre ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'aveu, sur la prison, sur le bûcher et les exécutions capitales. Autrement dit, j'ai écrit avant condamné à mort. Et je crois que je n'aurais pas pu écrire le Jeanne d'Arc avant le condamné à mort. Il fallait que je remette tout cela dans une perspective d'histoire de la justice. Ce qui était peut-être pour moi la meilleure façon de lui rendre hommage. Condamné à mort au Moyen-Âge, pratique de la peine capitale en France, 13e, 15e siècle. C'est votre ouvrage précédent, Claude Gauvard. Et puis, il y a aussi cette volonté de mettre en perspective, ce qui est très important, replacer Jeanne d'Arc dans son siècle et en mettant que ce n'est pas la seule. Il y a plein de prophétesses, il y a plein de choses autres que Jeanne d'Arc, mais qui permettent de comprendre Jeanne d'Arc. Ça, c'était essentiel, on le sent dans l'ouvrage. Pareil, hein, Xavier et Larry, c'est quelque chose qui est très important à remettre en place. Ne pas focaliser sur une personne, mais utiliser cette personne pour comprendre une période. Oui, alors, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Siméon Luce, à la fin du 19e siècle, l'avait déjà commencé. Il n'a pas été compris à son époque. On s'est un peu moqué de lui, parce que lui, il s'intéressait justement à tout le contexte qui permet d'expliquer. Et Colette Beaune l'a fait, Madame Gauvard l'a fait, nous-mêmes l'avons fait pour Jeanne d'Arc, Histoire et Dictionnaire. Et en même temps, il y a le mystère. On peut trouver tout autant de choses qu'on veut, il y a une part de mystère, et on a entendu la voix de Philippe Contamine tout à l'heure, et c'est vrai, ce mystère qui reste irréductible. Oui, irréductible, et puis nous l'avons senti en commençant cette émission en évoquant l'archive, et nous pouvons toujours parler de l'archive, vous dites Claude Gauvard qu'elles sont codées ces archives. C'est ça qui est merveilleux, parce que il y en a de nouvelles, vous commencez votre livre avec, et puis celles que nous connaissons, en fait, elles sont sans cesse à réinterpréter. À réinterpréter, et il faut s'en méfier comme de la peste, n'est-ce pas? Et il faut vraiment toujours les décoder, et je peux vous dire que chaque fois que vous portez votre regard sur les archives, la même archive, au fur et à mesure de votre savoir, et c'est ça qui fait toute la valeur de l'histoire, votre esprit critique s'aiguise, et vous interprétez déjà autrement ou encore mieux, j'espère. Oui, autrement et encore mieux. Et puis, il y a la forme narrative aussi qui est très importante. C'est comment raconter Jeanne d'Arc. Oh là là, vous haussez les yeux, Claude Gauvard. Mais c'est vrai que c'est très important parce qu'il faut aussi mener le lecteur, la lectrice dans cet univers complexe pour saisir Jeanne d'Arc. Vous avez réussi sans problème. Héroïne diffamée et martyr, et pourtant tout votre livre, on sent qu'il est question du mythe. Vous, Xavier Hélary, vous l'avez mis, le mythe, dans le titre de vos ouvrages. Pourquoi vous l'avez écarté, le mythe du titre, alors qu'il est présent, omniprésent? Oui, parce que, d'abord, il y avait le livre de Xavier, et puis je trouvais que c'était très bien fait. De même que la deuxième partie du livre de Franck Connard, je trouve que vraiment, c'est parfait, très bien résumé. Et je me suis dit, non, le mythe, moi, je suis pas assez forte pour aller jusque-là, même si je suis citoyenne, bien évidemment, et si j'ai effectivement été aussi, j'ai un peu travaillé sur sur la béatification, sur le procès de 1909, grâce à d'ailleurs à Françoise Michaud-Fréjaville, qui a été une excellente directrice du Centre Jeanne d'Arc, et qui a fait des travaux, et qui continue d'ailleurs à travailler sur Jeanne d'Arc, ce qui aide beaucoup les historiens, bien sûr. Il y a, si vous voulez, un mythe, mais le mythe, moi je le vois à la naissance. Ouais, c'est voilà. Ça. C'est le 15e siècle, le mythe. Il est là, déjà. Ouais, il est dans cet ouvrage, je le dis, il est omniprésent. Et puis en plus, il y a toute cette réflexion sur le 15e siècle, sur Jeanne d'Arc. Il y a beaucoup de mystères, hein, mais il y a une certitude. Vos ouvrages se trouvent en librairie. Merci à l'un à l'autre. Xavier Hélary, Jeanne d'Arc, Histoire et Mythe. Et puis Claude Gauvard, Jeanne d'Arc, héroïne diffamée et martyre. Et puis, petite émotion, parce que nous avons constaté avec Xavier Hélary que nous avons passé l'agrégation en même temps quand vous étiez présidente, Madame Claude Gauvard, de l'agrégation. Voilà. Donc nous avons un peu repassé le grand. Vous avez eu la chance d'avoir la première femme présidente du jury, et il a fallu attendre 20 ans après pour en avoir une deuxième. Eh bien, nous avons surtout. C'est sans commentaire. Voilà, nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui. Merci vivement à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment peut-on être philanthrope? Le terme philanthropie vient du grec ancien philos, celui qui aime, et anthropos, qui signifie le genre humain. Autrement dit, la philanthropie, c'est l'amour de l'humanité. Mais paradoxalement, cet idéal, qui devrait faire l'unanimité, a toujours été un objet de polémique. Une illustration récente a été donnée lorsque des milliardaires français, qui font partie des hommes les plus riches du monde, ont annoncé qu'ils allaient faire un don exceptionnel pour soutenir la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Plusieurs journaux ont alors dénoncé l'arnaque de la philanthropie, en citant Paul Lafargue, le gendre de Marx, qui disait « Voler en grand et restituer en petit, c'est la philanthropie ». Ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est le fait que ces généreux milliardaires puissent s'arranger pour ne pas payer tous leurs impôts en France ou qu'ils puissent récupérer d'une main ce qu'ils ont donné de l'autre grâce aux déductions fiscales. Le but de cette chronique n'est pas de trancher ce débat, mais plutôt de le clarifier en rappelant les origines du mouvement philanthropique. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, c'est l'Église qui jouait le rôle principal dans l'exercice de ce qu'on appelait alors la charité chrétienne. Elle incitait les riches particuliers, issus de la noblesse et de la bourgeoisie, à faire des dons et des legs pour racheter leurs péchés et obtenir le salut en portant secours aux pauvres. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont critiqué cette forme d'assistance qui avait surtout enrichi le patrimoine de l'Église en prônant une alternative laïque à la charité chrétienne. La philanthropie fut définie alors comme l'affectation volontaire d'un bien à une cause particulière d'utilité publique. Alors que la charité chrétienne était un acte individuel et localisé, les philanthropes voulurent agir au niveau national pour résoudre les causes profondes des problèmes sociaux. Ils mirent en place des organisations philanthropiques, qu'on appelle aujourd'hui des fondations, dont le rayon d'action s'étendait sur tout le territoire français. Dans la première moitié du XIXe siècle, ces structures philanthropiques étaient financées et dirigées par les élites progressistes et libérales de l'époque, des médecins, des industriels, des banquiers, des parlementaires, désireux d'améliorer concrètement et durablement le sort des plus vulnérables. Elle suscitait l'opposition farouche des royalistes et des catholiques conservateurs qui voulaient rétablir la charité chrétienne. Après la Révolution de 1830, ce discours réactionnaire perdit beaucoup de terrain. Mais la philanthropie fit alors l'objet d'un autre genre de critique venue cette fois de l'extrême gauche. La Révolution industrielle et la naissance du mouvement ouvrier placèrent en effet la question sociale au centre du débat politique. Pour Marx et Engels, les fondateurs de la Première Internationale, la philanthropie était une illustration de la lutte des classes, car elle permettait aux capitalistes de faire oublier l'exploitation du prolétariat. Plusieurs décennies plus tard, c'est ce genre de critique qui furent développées par le mouvement ouvrier pour justifier la mise en place de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'État social. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudet, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrin. Ça a écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.